Pour l'instant, nous sommes avec Raymond Poirier, comme à chaque mercredi, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, c'est-à-dire l'ITIS. Voilà. Et cette semaine, ben, pour faire suite à la semaine dernière, on a manqué un peu de temps pour parler des innovations en matière de santé. On va continuer dans cette lignée. Exactement. Et en route peut-être vers des retours de ce sujet-là au fil des semaines et au fil des mois, parce qu'il y en a tellement à dire. Ouais, hein? C'est un domaine qui bouge beaucoup et autour duquel, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées. Beaucoup d'éléments qui sont mis en place. La semaine dernière, on parlait de robots qui pourraient être des aides au diagnostic. Oui. On parlait également d'outils pour essayer justement d'accompagner par visioconférence et autres à distance. Mais évidemment, un autre élément qui est très présent, c'est les petits appareils mobiles. En fait, on a tous un iPhone, un iPad, ou du moins de plus en plus de gens en ont. Éventuellement, ce sera peut-être tous. Oui. Et donc, nécessairement, ben, si on les utilise dans la vie de tous les jours, on a envie aussi de pouvoir les utiliser dans le contexte de notre qualité de vie, de la santé. Et par extension, ben, les médecins, les spécialistes ont peut-être envie aussi de les intégrer dans le contexte hospitalier. Oui. Donc, ce qui fait que d'un côté, eh ben, il y a des hôpitaux qui essaient de trouver des manières d'intégrer, par exemple, l'iPad plutôt que d'avoir un dossier papier, mais d'avoir les dossiers en format électronique et les médecins qui peuvent se promener avec justement ce type d'appareil-là, faire leur tournée de patients. Parallèlement, ben aussi, ça devient un outil qui peut permettre de se rapprocher et de nouer des rapports plus quotidiens avec des patients qui sont en maladie chronique ou avec des personnes âgées qui sont en maladie chronique aussi, mais qui sont chez eux. Donc, de ne pas nécessairement avoir besoin de les faire déplacer une fois par semaine à l'hôpital. Surtout qu'on parle beaucoup de soins à domicile maintenant en matière de santé. Dr. Hébert, qui est le ministre de la Santé, qui prône beaucoup les soins à domicile. Donc, à partir de ce moment-là, ça pourrait être un outil intéressant pour les aînés ou peu importe Exactement. La personne qui doit recevoir des soins à domicile. Et en même temps, ça permet de libérer des lits, ça permet de diminuer du temps d'intervention, donc de les réaffecter à d'autres éléments. Et les projets pilotes, en fait, il y en a un au Québec et c'est des initiatives aussi qui sont intégrées ailleurs et qui sont explorées ailleurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir des capteurs sur des téléphones intelligents. Ces capteurs-là vont aller chercher des signes vitaux, donc des diverses informations chez les patients. Et donc, évidemment, ça permet quotidiennement aux patients donc, de savoir leur état. Et parallèlement, ces données-là sont envoyées aussi via satellite à l'hôpital où, donc, ils sont intégrés aux données constantes. Donc, évidemment, il y a des examens peut-être mensuels ou hebdomadaires qui doivent se faire. Bien entendu. Il faut avoir des consultations. Mais par contre, l'avantage de ça, c'est que si éventuellement, donc au quotidien, il y a des données qui dépassent les standards qui ont été établis pour ce patient-là, eh bien, à l'hôpital, on a donc une petite lumière qui s'allume, une information qui dit, bien, tel patient, faudrait aller le voir aujourd'hui parce que ces éléments ont chuté ou ont augmenté. Et donc, ensuite, bien, les effectifs médicaux se mettent en route vers le domicile. Donc, on va répondre à un problème. On a moins besoin de se rendre si la situation est bonne. Et en même temps, bien, ça permet de toute façon pour le patient d'avoir quand même un rapport assez direct via cet appareil-là avec l'hôpital et évidemment tout ça accompagné aussi d'une aide à distance au niveau téléphonique ou autre, par exemple, pour faire des suivis patients un peu plus personnalisés. Est-ce qu'on peut penser même à probablement un dossier médical qui pourrait être portable sur l'iPhone et qui pourrait être mise à jour justement à partir d'une base de données? Ben pourquoi pas? Et même en fait au niveau du dossier informatique, bon, on en parle beaucoup au Québec, c'est toujours en réflexion. Il reste que justement, il y a des pans de ce dossier-là qui ont été développés, qui sont effectif dans certaines circonscriptions. Je pense que c'est dans le coin de Rivière-du-Loup ou Montmagny. Oui. Il y a donc un centre de santé, services sociaux et le réseau de cliniques qui a décidé d'intégrer, dans le fond, carrément un dossier patient informatisé pour les patients en maladie chronique, encore là, parce que c'est ceux qui nécessitent des suivis réguliers. Et donc, on a dans l'idée ben, de pouvoir justement avoir toute cette information-là et de les transférer donc électroniquement d'un réseau de spécialistes à l'autre pour que chacun ait toujours la même information et que le patient puisse aussi vraiment être conscient de son dossier, y avoir accès, être conscient de tout ça et peut-être aussi pouvoir mieux participer à la prise de soins et à la prise de décision qui l'entoure. On a un énorme gain d'efficacité et on conscientise le patient par le fait même. Plus même qu'un gain d'efficacité, sincèrement, là, il y a des chercheurs à l'Université Laval qui ont fait une étude qui travaille sur un programme qui s'appelle Décision Plus. Okay. Donc, c'est France Légaré, Michel Labrec, ici à l'Université Laval, Faculté de médecine. Et eux essaient justement de voir, avec différents outils électroniques, entre autres, de prise de décision, donc de quelle manière la prise de décision concertée, donc entre patients et médecins, suivie d'une discussion, etc., donc quelque chose vraiment intégré à deux, va changer aussi le diagnostic qui est porté et les choix diagnostiques qui sont faits. Et donc, eux ont fait une étude, 181 patients qui ont consulté 77 médecins dans 5 cabinets en utilisant ce programme-là. et ont pris un deuxième groupe témoin, 178 patients qui, eux, avaient consulté 72 médecins dans 4 cabinets sans prise de décision partagée. Et donc, ils ont remarqué qu'il y avait essentiellement là, une variation importante dans les choix de diagnostic et dans la prise d'antibiotiques. Donc, la prise de décision partagée s'est révélée efficace dans les situations où les patients et les bénéfices des traitements proposés ne peuvent pas être garantis pour la majorité des patients. Il y en a beaucoup qui ont dit, ben finalement, je ne pense pas que j'ai besoin de médicaments. Et ça a baissé de manière assez importante la consommation de médicaments chez ces patients. Sachant en plus qu'on est le troisième endroit le plus coûteux au monde pour les médicaments et les antibiotiques, ça devient très avantageux à la fois pour l'État et pour les citoyens. Exactement. Et les outils technologiques, parce que dans le fond, ce qui est toujours dangereux, et ça c'est valide dans un peu tous les systèmes, il ne faut pas que l'outil technologique devienne un gadget. Il ne faut pas complètement s'asseoir sur l'outil technologique, mais il faut que la technologie nous amène ailleurs, nous amène dans une autre manière d'envisager le traitement, exemple, au niveau médical, mais au niveau artistique, bon, c'est la création artistique, etc. Donc, la ville, c'est la manière dont on gère les villes. Et donc, dans le fond, si on dit on intègre des outils technologiques, mais c'est aussi pour faciliter le rapport entre les professionnels de la médecine et les patients, favoriser la compréhension de ce système-là auprès du patient également et de permettre justement aux patients d'être un peu plus engagés dans le diagnostic et dans les suivis qui vont se faire. Donc, ça aide à la responsabilisation du patient. Et si on a un patient qui est plus impliqué, qui est plus informé, qui est mieux encadré, eh bien, nécessairement, ça va faciliter aussi la prise de diagnostic, surtout dans un contexte où, de plus en plus, quand on est malade, quand on a des symptômes, notre réflexe, c'est d'aller sur Internet, c'est d'aller chercher de l'information là-dessus. Et on peut se questionner sur la fiabilité de la chose. Bien, clairement, parce que, dans le fond, je veux dire, à partir de 4 ou 5 symptômes, on peut sortir une pléiade de maladies, certaines extrêmement graves. Oui. Et donc, dans le fond, ça devient peut-être une béquille pour les patients donc, qui essaient de se diagnostiquer, mais ça devient aussi un défi additionnel pour les professionnels dans la mesure où ils sont confrontés maintenant à des patients qui ont déjà des idées claires sur ce qu'ils pourraient avoir. Donc, nécessairement, le patient étant plus informé, étant déjà un peu plus impliqué à cause des outils et de l'information disponible, mais maintenant, il s'agit de prendre cette motivation et de l'intégrer de la bonne façon. Parce qu'il faut pas motiver un certain aspect hypochondriaque non plus dans la population, là, parce que là, on n'est pas plus avancé. Et l'autre élément qui est intéressant avec les technologies, c'est dès qu'on parle, en fait, de la notion d'éducation. Je te donne un exemple très simple. En fait, il y a des interventions chirurgicales qui sont faites régulièrement. Donc, on s'entend que les médecins qui les pratiquent ont la main habituée à les faire. Mais inversement, il y en a d'autres interventions qui sont faites très peu régulièrement qu'un médecin va être appelé peut-être à faire 3 fois, 4 fois par année. Donc, c'est pas beaucoup pour se faire la main. Alors, il faut aussi développer des outils qui vont permettre justement aux médecins de mieux appréhender ce type de traitement-là. Et le meilleur exemple de ça, c'est à l'Université Laval, la chaire de recherche CRSNG Créaforme en numérisation 3D. Eux s'intéressent à la notion de la curithérapie du cancer de la prostate. Oui. Et donc, il y a une intervention chirurgicale là-dedans qui n'est pas faite régulièrement. Donc, pour essayer d'accompagner les médecins et de leur permettre de se faire la main autour de cette opération-là, ils ont créé d'abord une modélisation 3D d'une prostate avec justement donc, le problème, le cancer, la zone autour de laquelle doit y avoir intervention. Mais évidemment, donc si c'est comme dans un jeu vidéo, si je joue à l'opération sur mon PlayStation, eh bien, ça ressemblera pas à une véritable opération. Tout à fait. Rentrer une aiguille virtuellement puis la rentrer physiquement dans la peau, il y a beaucoup plus de résistance. Tout à fait. La question, c'est maintenant de voir, OK, on a le modèle 3D. De quelle manière maintenant on peut créer une expérience de réalité virtuelle à partir de ça? Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer un robot qui est capable de reproduire par la résistance, dans le fond, qu'il va faire à l'opération médicale que le médecin va réaliser. Donc, créer une résistance qui serait similaire à celle de la peau et qui serait évolutive en fonction de l'avancée, justement, de son aiguille à l'intérieur de ce système-là. Et est-ce que ce robot-là est ajouté de certains défis devant lesquels les chirurgiens peuvent justement se confronter? Exemple, je lance ça comme ça, mais par exemple, une veine qui pète et là, le sang gicle de partout. Mais là, on rentrerait dans des situations ou dans des simulations peut-être un peu plus détaillées. Mm-hmm. Et ça, on tombe dans d'autres types de logiciels. Je donne un exemple. En fait, il y a une clinique, et là, on saute du côté des États-Unis, en Nouvelle-Zélande, pardon, permettent de recréer une expérience de chirurgie avec Kinect. Donc, on n'a peut-être pas la résistance, mais là, dans le fond, c'est plus la rapidité d'exécution, la prise de décision dans des situations d'urgence comme ça. ça. L'application qui est développée, celle universelle, c'est peut-être plus dans un contexte idéal, entre guillemets, mais en même temps, l'ordinateur et le robot sont capables de reproduire les conditions qu'on va leur donner au niveau de la résistance des chairs, etc. Donc, c'est de voir un peu de quelle manière on peut essayer d'intégrer tous ces outils-là pour favoriser l'apprentissage, mais encore là, en s'assurant aussi justement que les données médicales qui sont intégrées là-dedans sont viables. Mm-hmm. Et ça, c'est toujours la préoccupation. Je veux dire, si je reviens à nos téléphones intelligents, je veux dire, il y en a plein d'applications santé, il y en a plein qui sont développées, il y en a plein qui existent, mais sur ce lot-là, lesquelles sont les bonnes, lesquelles ont des informations santé qui sont valables, ouais, et lesquelles vont m'informer correctement. Donc ça, c'est un autre défi auquel on fait face, donc pour s'assurer que les applications sont justes, sont adéquates et contiennent des vraies informations. Parce qu'on peut quand même aller loin avec ces appareils-là. Je pense, en fait, je donne un exemple, puisqu'on en lance plusieurs. Il y a une application qui s'appelle l'iPhone ECG, qui transforme le téléphone en électrocardiogramme. Il y a un autre équivalent qui se transforme carrément pour... J'ai bien entendu, là, transformer le téléphone en... Oui. Oui, en fait, on peut l'utiliser, puis on le connecte comme ça, puis voilà, magiquement, on a l'électrocardiogramme. On peut avoir ça aussi pour les femmes enceintes, je perds le terme, là, mais donc quand on va évaluer l'état du fœtus, l'échographie, donc on peut l'avoir aussi avec un téléphone. Donc, c'est des choses qui sont en développement. Et je veux dire, quand je regarde ça au bureau, je me dis, mon Dieu, on vit dans la science-fiction. Tout à fait. Ça nous rattrape. Et donc, ça devient doublement important de bien encadrer tout ça aussi, de s'assurer que nous, on est bien informés, qu'on va bien utiliser ces technologies-là. Et les technologies aussi qui sont rendues disponibles, sont médicalement viables. C'est le cas quand ils viennent de sources fiables, mais ce n'est pas le cas de toutes celles-ci. Donc, il faut rester vigilant. Parce qu'il faut quand même garder un bon jugement. Il n'y a rien qui équivaut à un test physique. Là. Un palpage physique, ça peut sauver des vies, ça aussi. Là. Exactement. Mais par contre, il y a des raccourcis qu'on peut prendre et qui sont très viables aussi. Et exactement, c'est ça qui est développé. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre, et Jérôme, on y reviendra sûrement au fil des prochaines semaines. Petite note avant de se laisser et à mettre à votre agenda, auditeur, auditrice. En fait, le jeudi 21 février à 19h, on présente une conférence à la bibliothèque Gabriel Leroy, c'est entrée libre. Ça s'appelle « Les incidents reliés à l'utilisation des GPS, à qui la faute? » On a tous entendu, en fait, des histoires d'horreur quant à l'utilisation des GPS. Des fois assez cocasses, des fois assez cocasses, des fois assez tragiques aussi, des accidents graves, des dommages importants, des pertes de vie. Alors, on va répondre un peu à diverses questions autour de ça. Est-ce qu'on accorde une confiance démesurée par rapport à l'exactitude et à la fiabilité de l'information géospatiale qui est retrouvée dans les GPS? Et si oui, mais c'est la faute à qui aussi ces erreurs-là? Est-ce que c'est nous les utilisateurs? Est-ce que c'est les manufacturiers? Alors, ce sera une conférence du professeur Marc Gervais du département de sciences géomatiques ici à l'Université Laval. Et lui va aller chercher des exemples et va donner des réponses aussi du point de vue juridique, du point de vue social autour de ça. Donc, ça risque d'être très intéressant. On en reparlera peut-être un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais donc, ce sera le jeudi 21 février prochain à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Très intéressant. Et est-ce qu'on va avoir une explication sur la raison pour laquelle quand on va sur Google Maps et qu'on tape « Je veux avoir le trajet entre Los Angeles et Tokyo », on nous amène en kayak? Ça peut être envisageable. Ça, c'est une bonne petite blague des programmeurs de Google. Et si on veut avoir plus d'informations sur l'Institut de technologie de l'information et société, on se rend... itis.ulaval.ca. Superbe.